Chapitre 40e, une proie faible et vulnérable. Savez-vous comment il en est venu à la fréquenter? Non. Je n'étais pas suffisamment intime. Elote a tout simplement refusé d'aborder le chapitre, ce que j'ai accepté. L'histoire était déjà suffisamment laide comme cela. Cependant, vous ne semblez pas surprise qu'elle ait été enceinte. Vous savez, avec les précautions de l'époque. Heureusement, Marik s'habillait assez large. Du coup, il lui était assez facile de dissimuler la chose. Elle a juste dû veiller à ne pas prendre trop de poids, et le tour était joué. Elle n'avait pas de nausées et se comportait exactement comme d'habitude. Elle ne se liait pas en dehors de l'hôte. Je pense que la langue les rapprochait. Elle se parlait en allemand, car très peu d'entre nous le comprenaient, voire personne. Ainsi, elles étaient tranquilles. Un jour, j'ai appris qu'elle était partie. Quand je suis revenu de vacances en septembre 1968, elle n'était plus là et l'hôte ne voulait plus en parler. Je sais qu'elle a très mal vécu son départ, car il y avait une véritable complicité entre elles, un secret. Évidemment, aujourd'hui, je comprends mieux. S'il y a eu un enfant... Savez-vous ce qu'est devenu Olaf Christianson? Oui, bien sûr. Il est parti en Iran et y est resté jusqu'au départ du chat. Il a alors choisi de rentrer en Suède. Quelques années plus tard, il a quitté Petroleus avec un joli pactole. Tant que cela? Oui. Je peux vous garantir que le montant de l'indemnité a fait le tour de tous les bureaux, et que beaucoup en ont été jaloux. Il n'était pas rare de citer le chiffre quand on voulait une augmentation. Il le méritait sans doute? Oh, certainement. En dehors de ses mains baladeuses, l'homme était compétent. Mais il n'attirait pas la sympathie pour autant. Il était trop suffisant, trop conscient de sa valeur. De plus, il ne se comportait pas toujours très bien. Il pouvait se montrer incroyablement mal élevé. Il se mêlait de tout. Non, vraiment, je ne l'aimais pas. Je l'avais classé dans la catégorie peu enviable des nuisibles par imbécilité. Pardonnez-moi, madame, mais c'est un peu raide. Je le sais bien, monsieur le commissaire, mais il le méritait. Laisser une fille comme Marike dans une situation embarrassante était tout à fait dans son style. Comprenez-moi bien, il ne se souciait absolument pas des autres. De plus, il ne devait pas être loin de considérer Marike comme complètement stupide de lui avoir cédé si facilement, car il cultivait ce mépris abject. Le genre d'homme à ne respecter réellement sa femme que parce que celle-ci détenait le capital. J'ai toujours pensé que le type ne devait pas posséder grand-chose en propre, en dehors de sa belle allure. Il avait dû avoir une ascension sociale ardue, et il était assez à cheval sur ses prérogatives. J'ai toujours du nez pour sentir de loin les cutéreux, et je peux vous garantir que c'était bel et bien ce qu'il était. La couche de vernis n'était pas assez épaisse pour le dissimuler. Il suffisait de le voir à table pour comprendre. Il n'avait pas de manière. Qu'il ne se tâche pas en mangeant relevait en soi d'un petit miracle. Marike était exactement le type de proie qu'il affectionnait, faible et vulnérable. Il a tout de suite dû sentir qu'elle ne lui causerait pas d'ennui. Savez-vous ce que je trouve immonde dans ce genre de situation? C'est que l'on ne rejette jamais la faute sur le monsieur. Elle n'avait qu'à prendre ses dispositions. Il est vrai que c'est tellement plus simple. Dutilleul partageait pleinement la colère de Francine Cartier et commençait sérieusement à revoir son jugement premier sur Marike von Gunberg, que lui avait dit Castex « Gardons-nous de juger trop vite ». Une fois de plus, le conseil s'était révélé plein de sagesse. Marike von Gunberg avait dû se sentir bien seule. Dutilleul pressentait qu'elle s'était accrochée à Lotte Kepring parce que celle-ci représentait sa seule planche de salut. Surtout, elle était trop jeune pour porter le moindre jugement sur la situation de sa collègue. La nécessité avait fait le reste. Dutilleul ressentit pour la première fois une profonde pitié, et grâce au témoignage spontané de Francine Cartier, il commençait à entrevoir les raisons qui l'avaient poussé à abandonner Marie. La laisser au seul bon soin d'un pareil grand-père était tout simplement impensable. Comme il l'avait secrètement espéré, Francine Cartier s'était révélée des plus précieuses. Il avait aimé sa manière franche et directe de parler des événements. Pour la première fois, Marike von Gunberg prenait un contour. Bien sûr, comme avait insisté Castex, franchise n'était pas vérité, mais là, incontestablement, il avait mis le doigt sur quelque chose et mieux encore, ce quelque chose semblait crédible. Il aurait aimé rencontrer cette grand-mère salvatrice, qui avait osé contrecarrer les plans de son propre fils, sans pour autant lui donner le moindre éveil. Avait-elle aidé une nouvelle fois sa petite fille? Dutilleul avait une dernière chose à demander à Francine Cartier. Je vous serai infiniment reconnaissant si vous parveniez à convaincre Lotte et Kepring de venir me voir. Je n'aimerais pas avoir à la convoquer, mais faites-lui comprendre que j'ai absolument besoin de savoir ce qu'elle sait de cette triste histoire. Dites-lui aussi qu'elle ne craint absolument rien. Je m'engage à ce que rien jamais ne soit divulgué, mais à présent que j'entrevois le bout du tunnel. Ne croit-elle pas que Marie mérite de retrouver une identité, même si je comprends mieux que personne le désir de Marieke van Gunberg de ne pas voir sa fille porter un nom certainement honni. Il ajouta, en contemplant une nouvelle fois la photo de Marie, « Il est vrai que Marie était parfaitement innocente, et je comprends la volonté de Marieke van Gunberg de ne pas avoir voulu lui faire endosser ses propres péchés. Si vraiment Lotte Kepring pouvait... Je ne peux rien vous garantir, mais je ferai tout mon possible. » Dutilleul raccompagna Francine Cartier à la porte en lui assurant que Lotte Kepring pouvait se présenter n'importe quel jour à n'importe quelle heure. Francine Cartier promit de transmettre le message et partit. C'était vraiment une femme bien. Mado l'appela en fin de matinée, ce qui le surprit beaucoup car ce n'était pas dans ses habitudes. Elle eut beau minauder, il comprit qu'il avait vraiment dû l'inquiéter, ce qu'il se reprocha beaucoup car Mado ne le méritait pas. Il la rassura, en lui disant que, comme toujours, elle avait été parfaite. À présent, Dutilleul se sentait assez bien. L'entretien avec Francine Cartier l'avait requinqué. Il se sentait plus détendu. Celle-ci lui avait incontestablement communiqué des éléments intéressants, et plus que jamais, il avait envie de creuser la piste de l'abandon de Marie Chardy. Il ne parvenait toujours pas à lui donner son nom de naissance. Il avait l'impression de commettre un sacrilège. Dutilleul regarda sa montre. La matinée était bien avancée. Il décida d'aller acheter un sandwich. Puis, il avait prévu de faire un point avec Bellegarde. Il quitterait le bureau tôt, car il avait beaucoup à se faire pardonner auprès de Mado. À présent que le moral était revenu, il s'exhorta à ne pas penser au grand con, et surtout à son sempiternel couplet sur la maîtrise des émotions. Le ciel était d'un bleu un peu timide. Il faisait assez frais, mais Dutilleul n'en avait cure. Il voulait de cet air qui gifle, de ce souffle qui lui remettait les idées en place. Le lendemain serait plus compliqué. Il devait faire un aller-retour éclair à Marseille. Il avait finalement choisi d'entendre Brahim Boucharif. Après, si nécessaire, il dérangerait Saïd et Latifa. Brahim était une bonne porte d'entrée et ne lui refuserait certainement pas son concours. Le garçon était intelligent. L'entretien avec Bellegarde fut très bref et n'apporta finalement pas grand-chose, même s'il était parvenu à dénicher deux ou trois infos sur Mousseron. Toutes avaient le même point commun, les portraits dressés n'étaient guère flatteurs. L'homme était reconnu pour sa réussite, mais guère plus. Comme Dutilleul l'avait subodoré, il n'avait pas hésité à lâcher des compagnons en route. Le témoignage d'un certain Étienne Le Temple était assez intéressant. Il était particulièrement amer vis-à-vis de Mousseron, parce qu'ils avaient grandi ensemble. Il permit ainsi de confirmer les suppositions de Dutilleul. Mousseron avait été élevé par sa mère, une femme douce, mais assez effacée. Le voisinage avait eu le bon goût de ne pas trop poser de questions sur l'identité du papa. En fait, tout le monde la plaignait de sa mésaventure. Quant à Mousseron, déjà, on ne l'aimait guère. Étienne Le Temple avait fait partie de l'aventure CM Process dès le début, avant d'être sèchement remercié par Mousseron sous un prétexte futile, ce qui l'avait profondément déçu. « Je suis soudain devenu une chose du passé, un témoin gênant dont il fallait se débarrasser au plus vite. Je n'ai pas fait d'histoire car j'ai reçu un chèque confortable et j'ai très vite retrouvé un emploi mieux rétribué. » CM Process était déjà une excellente carte de visite à l'époque. Comme j'ai tout de suite été affecté au développement, je me suis simplement ingénié à rendre impossible une collaboration commune avec CM Process. Chardy, mort, je n'avais absolument aucune raison d'aider Mousseron. Il a dû s'en mordre les doigts, mais je n'en avais cure. Plus tard, il a bien tenté de reprendre contact avec moi, mais il a essuyé une fin de non-recevoir. Je savais parfaitement ce qu'il voulait obtenir de moi. un accès au marché nord-américain, ce que je n'étais pas prêt à lui faciliter au regard de son attitude passée. Semprocess a fini par percer car ses produits étaient très bons. Mais je leur ai fait perdre 10 ans. Là fut ma vengeance. Alors comme ça, tu vas te promener. Fais attention aux vieilles morues vérolées jusqu'aux trognons qui traînent sur le vieux port Montilleul. Elles s'agrippent comme des sangsues, et ensuite on a un mal fou à s'en défaire. Je te dis ça parce qu'habituellement, le sang frais les attire comme un aimant. Aurais-tu peur qu'on me fasse les yeux doux? Eh, sait-on jamais? T'es presque neuf, alors tu es charitable. Bon, tu n'es peut-être pas un perdreau de l'année, mais tu es tout de même en très bon état de fonctionnement, du moins normalement. Tu comprendras donc que je veille au grain. Je défends mon bien quand celui-ci est à mon goût. En clair, pas touche aux spécialités du cru, répondit Dutilleul avec amusement. Tu sais, Montilleul, on n'est jamais assez prudent. Alors cantonne-toi strictement à l'huile d'olive et à la salade niçoise. Comme tu es bien bonne, n'est-ce pas? Je me trouve super permissive. Puis-je me laisser tenter par un verre de rosé? Après tout, je ne conduirai pas. Je ne préfère pas, Montilleul. Cela pourrait te taper sur le système, et après, sait-on jamais ce que tu pourrais faire? Prise de risque réduite au minimum, cela va être d'un triste. Ne pleure pas, tu auras au moins du soleil.